Salut les marques, elle est smart, bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Catch Up spécial NXT TakeOver Philadelphie. Je suis ringside et pour m'accompagner dans l'analyse complète de ce show fantastique, l'inimitable Hank. Comment ça va, Hank? Salut, salut, salut, désolé pour le petit retard si vous vous attendiez à ce qu'on soit pile à l'heure. Mais oui, ça va, j'espère aussi que ma connexion va tenir parce que c'était pas terrible au pré-show du Rumble. Mais bref, on est là pour parler d'un très grand show. À mon avis, meilleur que le Rumble, que je n'ai pas vu, donc ne spoilez pas sur le chat Oui. une nouvelle fois. Merci. Spoilez pas le Rumble. Alors, Philadelphie, comme je vous disais, c'est le 27 janvier que ça se passait sur NXT TakeOver. On était au Wells Fargo Center. Tous les titres vont être défendus ce soir, hein. Le titre par équipe, le titre des demoiselles et le titre des messieurs. Allez, on commence tout de suite par le premier affrontement. Moi, tu voulais dire quelque chose, hein, peut-être? Non, non, non, non, c'est bon. Ok. J'ai mes réglages. Ok. Alors, l'opener, c'est le match pour les ceintures tag team. Undisputed Era, Bobby Fish et Kyle O'Reilly, qui affrontent The Authors of Pain, Akame Rezar, toujours accompagné de Paul Ellering. Donc, pour la petite histoire, hein, l'Undisputed Era a gagné les ceintures face à Sanity, hein, Eric Young et compagnie. Et les Authors of Pain, ben, ils sont revenus un petit peu dans la course, hein, en nous rappelant que c'était eux les champions par avant. Et puis qu'il serait peut-être temps de perdre en 1 contre 1, hein, pour Authors of Pain, parce qu'ils ont, ils ont perdu, ils ont pas perdu leur titre face à Undisputed Era en tout cas. Et c'est toujours une force avec qui il faut compter, les AOP. Donc, toute la force brute, hein, des deux monstres, des Authors of Pain, face à la technique et la roublardise de Bobby Fish et Kyle O'Reilly, les deux petites hyènes de l'Undisputed Era, les acolytes d'Adam Cole. Donc, à un moment donné, sur une mauvaise réception, je crois que c'est Akam qui se fait mal au genou, et c'est l'ouverture qui suffit à l'Undisputed Era qui va travailler le genou. Des cams, l'immobiliser, hein, le séparer de son acolyte Rezar pendant un bon moment. Donc, ils vont le faire souffrir longtemps jusqu'au comeback des cams qui va leur défoncer la tête assez violemment. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Bobby Fish, Kyle O'Reilly, ils reviennent dans l'action. On continue à se battre de traîtrise en traîtrise. Des clés de jambes, hein, tout ce qu'il faut pour faire souffrir les AOP. Jusqu'à ce que les increvables AOP reprennent un peu le dessus. Collider. Powerbomb Collider, comment ça s'appelle? Ça en finish où ils Super sont à la double Collider. Powerbomb là. C'est le Super Super Collider. Collider, voilà. Voilà, Super Collider sur Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Mais le genou de Ekam cède. Et Kyle O'Reilly le fait tourner dans un Hurricane Rana. Il va aller percuter son acolyte Akam qui va tomber en dehors du ring. C'est parti pour un roll-up des familles. Et victoire de Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Après un match très très disputé. Très très bien raconté, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Hank? Ouais, c'était. Je pensais pas. Je m'attendais pas peut-être à un aussi grand match dans le sens où. Enfin, je dis grand match. C'est un excellent match dans le sens où c'était le pot de départ de Tours of Pain. Donc voilà, ils avaient pas forcément à sortir. Un match de ouf. Mais surtout, moi, ce qui m'a impressionné dans ce match, c'est que les Authors of Pain sont super bons au selling, en fait. Enfin, du coup, c'était Akam ou Razor, celui qui avait la jambe, ou un des deux, quoi. C'est Akam qui Akam. était blessé. Le selling était vraiment vraiment bon, quoi. Jamais oublié que. Pas seulement dans les gros spots, mais en général, jamais oublier que tu peux pas t'appuyer sur cette jambe-là, etc. Mais en même temps, le match a pas été Heureusement, le match n'a pas été juste la torture. Comme on peut le voir, Bouquet à Raw, on vise la jambe, mais on fait que viser la jambe. Et voilà, il y a eu d'autres choses. Hein. Ils les ont vraiment torturés de différentes façons. Les Undisputed Era, qui était excellent. La powerbomb là, de Eric Young. Non, pas Eric Young, qu'est-ce que je dis, Bobby Fish, sur un des deux, donc Akamau Reza. J'y croyais pas à un moment, donc du coup, il y a le spot, forcément ça marche pas, alors tu te dis logique, et là ils le retentent et ils le font. What? Il a pesé plus de deux fois son poids, quoi, l'autre. Mm. Donc c'est dingue. Ils sont machiavéliques et puis ils sont excellents. Et j'ai adoré, alors c'était pas dans le match, mais c'était l'entrée de O'Reilly. Toute l'entrée de O'Reilly était fantastique, où il fait semblant de faire de la guitare avec la ceinture. Il a l'attitude. Ah ouais, il est machiavélique et on les sentait en pleine confiance. Et voilà, ça a donné un excellent, excellent match qui a encore une fois, même encore plus qu'avant, prouvé que Authors of Pain... Bah, c'est pas juste des grosses brutes, hein. Ils savent vraiment faire du selling, ils savent faire les transitions parfaitement. On aura l'exemple un peu plus tard d'un match pour le coup où t'as deux mecs qui sont censés être plutôt bons techniquement, mais ça. Voilà. Ça... Moi j'ai trouvé, il y a eu quelques. Des approximations, alors que là, Authors of Pain, il n'y a pas d'approximation, ils font les choses tellement bien maintenant, donc j'ai hâte de voir ça, s'ils peuvent faire aussi bien dans le roster principal. Ah, ils ont le physique, ils ont le selling, comme tu dis, ils fonctionnent plutôt bien, même quand on leur fait faire une promo avec l'ajout de Paul Ellering. Voilà, ils savent raconter l'histoire. J'ai trouvé aussi dans les comebacks très impressionnant Rezar, quand il commence à passer à tabac Kyle O'Reilly. Je vois non seulement de l'avenir pour eux en tag team, mais aussi en solo, je pense. C'est quand même le total package, donc ça c'est toujours appréciable, hein, de voir que ça se concrétise vraiment à ce niveau. Et puis Bobby Fish et Kyle O'Reilly, ça confirme aussi tout ce qu'on attendait de leur part, hein. Ils ont quand même déjà une grosse carrière à la Ring of Honor, et ils sont pas venus là pour l'après-retraite, ils sont prêts à faire le show, et puis on voit tout leur talent aussi pour c'est des très très bons catcheurs en équipe aussi, voilà, ils ont... et je trouve ça a donné un petit peu le ton de la soirée, qui était alors bon, une Des moments, c'est du blabla, ce qu'ils nous disent sur les pay-per-view, dans les bandes-annonces de pay-per-view, genre « Oui, alors c'est l'endroit, donc du coup, notre thématique, c'est ça, parce que la vengeance, blablabla, etc. » Là, la thématique, soi-disant, Philadelphie, la ville de la violence, machin et tout, et finalement, ouais, c'était la thématique de la soirée, la violence, parce que même ce match tag team était quand même assez violent, enfin, il y a des moments où les coups de... comment ? Authors of Pain, les coups de genoux qui mettait dans le coin à O'Reilly, pouf, c'est pas un peu. Il y a eu un finish comme ça, oui, au final dans les dernières minutes du match, c'est des coups de genoux en chaîne sur le visage d'O'Reilly dans le coin du ring, là. Ouais. Alors imaginé par les gros Golgoth des Authors of Pain, effectivement, c'était pas de la blague. Voilà, donc ça commençait très fort, hein, cet événement spécial, vraiment sur un très très bon match tag team, très bon match de championnat. La suite, un match 1 contre 1, The Velvet in Dream et Cassius Ohno qui s'affrontent dans un match qui n'a pas été du tout booké, on va dire. Il n'y a pas eu d'histoire dans les weekly, hein, pour nous vendre ce match. Simplement une petite séquence backstage où Velvet in Dream annonce qu'il va faire un knockout sur Cassius Ohno en 30 secondes. Ouais. On est à Philadelphie, la ville de Rocky, donc esprit boxe. Et du coup, bah, on a Velveteen Dream qui débarque déguisé en Rocky un peu, ou en Mohamed Ali si vous voulez, avec un short de boxe. Et Cassius Ohno qui débarque aussi façon boxeur. Et le match démarre par une rafale de coups de poing envoyée par Velveteen Dream sur Cassius Ohno qui finit par toucher la cible en moins de 30 secondes. Et Ohno est allé. Velveteen Dream demande le compte de 10. Hein. Lève les Knockout, bras. il a gagné. Il a gagné, il lève les bras. Mais malheureusement, c'est un match de catch. Hein, donc, Oui. compte de 10 ne sert à rien. Moment, ce moment où il s'arrête comme ça, il regarde le public et il fait bon, faut continuer là, il se passe rien. C'est pas de la boxe, t'as pas gagné. Non, tu n'as pas gagné. Et donc, Cassius Ohno revient dans la partie. Bien énervé, Cassius Ohno. Donc, il va dérouler tout son catch hyper, hyper. À la fois technique et violent, avec les gros coups de pied, les gros coups de coude, les pirouettes. Voilà, malgré sa corpulence, hein, il est très agile, Cassius Ohno. Velveteen Dream, hein, qui est toujours très bon dans le ring, qui va tenter plusieurs fois son Fireman's Carry, mais il n'arrivera pas à soulever le gros Cassius Ohno, jusqu'au final du match, hein, où après avoir bien dérouillé, il réussit quand même à le placer et enchaîner sur sa descente du coude, le Purple Rainmaker. Et c'est la victoire de Velveteen Dream dans un match qui a emporté la foule. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est ce match-là sur lequel tu as quelques réserves? Ouais, j'ai trouvé que c'était un match. Du coup, tout l'aspect psychologique et jeu dans le ring était génial. Enfin, moi, j'ai adoré ça. Je pense que c'est ça qui a surtout convaincu les gens. Mais par contre, il y a eu quelques passages qui étaient. C'est emmêlé dans les cordes. Il y a eu l'espèce de DDT de Velveteen qui est censé planter, relever en chandelle l'adversaire, c'est ça le plante, et puis il est tombé juste comme ça, quoi. Cassius Ohno, il s'est juste planté, il est resté comme ça, et je doute. C'était pas censé être ça. Enfin, ça me semble un peu bizarre. Donc voilà, il y a quelques passages où j'ai trouvé qu'ils se trouvaient pas trop entre eux. Mais après, Velveteen a. Enfin, et Cassius Ohno. Mais on va dire, le public l'a prouvé. La star, c'était Velveteen. Et encore une fois, ses expressions dans le ring, sa gestuelle, ses réactions en permanence. C'est une star, quoi. C'est déjà une star, ouais, ce gars. Ouais, carrément. Ouais. Coup de génie, hein, d'avoir monté le truc du knockout en 30 secondes. Là, on n'avait rien à foutre du match. Et d'un seul coup, c'est devenu le match le plus important de la soirée, du moins le temps que ça a duré. Pour moi, ça, c'est très, très fort, hein, d'avoir réussi à monter le match comme ça, juste en une séquence. Voilà, et en plus, ça n'a pas été monté. Ça a même pas été monté en weekly. C'était c'était dans la journée. Hein. Voilà, c'était le YouTube, Facebook et machin. Enfin, moi, j'en avais vu un extrait juste avant du coup le NXT tout seul. Là, j'en ai parlé vite fait, mais ils savent. Voilà, je pense que ils avaient fait leur booking là pour le championnat. Enfin, ils avaient fait tout leur booking pour le pay-per-view. Velveteen, il a été sorti de. Enfin, il pouvait catcher genre quoi 2 semaines ou 3 semaines avant le pay-per-view. Donc du coup. On a pris le Dolph Ziggler de NXT. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que Mauro Ranallo à un moment a dit Cassius Ohno en a marre d'être considéré comme le gatekeeper de NXT. J'ai beaucoup aimé ça, du coup, parce que ça nous vend le fait que peut-être Ohno va gagner, ce qui de base, je l'avais dit dans mes pronos, moi de base je lui croyais, enfin ça me semblait évident que Velveteen allait gagner, mais du coup, il y avait pour moi, il y avait un petit pourquoi pas, et puis après rivalité peut-être. Donc voilà, ça a donné du suspense. Le match était vraiment bien, mais il y a eu quelques trucs qui l'ont gâché pour moi, et c'est le seul match qui a ses imperfections dans la soirée, surtout. Ouais, alors moi, pour moi, effectivement, les botches étaient là, mais c'était sur des moments qui étaient tellement compliqués à réaliser que j'ai Ouais. trouvé ça, ça m'a Non, mais pas dérangé, ça ça, je m'a trouve, pas ça a rajouté sorti même du du match. charme. Ouais. Ça m'a pas sorti non plus du match, mais disons que c'est. Après, tu dois le comparer aux autres, quoi. C'est. Oui, ouais, Enfin. c'est sûr, c'est Ouais. sûr. Après, voilà, Cassius Ohno, pour en revenir à lui, c'est quand même le catcheur idéal pour faire briller ses adversaires, hein, parce qu'il est, il est imposant et à la fois très technique. Et c'est encore une fois, les deux ont été mis en valeur. Il est pas diminué dans l'histoire non plus, Ouais. Cassius Ohno. Voilà, quoi, plutôt, voilà, encore une belle réussite que cet affrontement. Alors, on va enchaîner avec les filles. Ember Moon. La championne défend son titre face à Shayna Baszler, le phénomène issu du MMA, qui était finaliste du Mae Young Classic, qui avait perdu face à Kairi Sane, mais elle est revenue là ces dernières semaines. Elle a cassé des bras, elle a étranglé des personnes un peu partout. Elle a pris le raccourci pour arriver au championnat. Et Ember Moon est bien décidée à lui montrer qu'il n'y a pas de raccourci quand c'est elle la championne. Donc c'est parti pour un match encore une fois très physique, très intense, avec une Shayna Baszler qui va tout de suite attaquer le bras d'Ember Moon, hein, en lui écrasant la même manière qu'elle l'avait fait à Dakota Kai dans les weeklies. Donc Ember Moon va être diminuée, hein, elle va vendre le bras tout le long du match. Shayna Baszler va s'acharner dessus, festival de clés de bras. Ember Moon, elle a quand même du répondant avec beaucoup de one leg drop kick dans la face de Shayna Baszler, mais elle finira par se faire piéger dans une longue séquence de soumission. Elle va réussir à atteindre les cordes, elle va réussir aussi à placer son éclipse, mais elle pourra pas malheureusement faire le tomber. Puisque elle a vraiment trop mal au bras et le fait de faire l'éclipse endommage encore plus le bras. Donc le match repart. Shayna Baszler réussit encore à coincer Ember Moon dans une Kimura, dans Coquina une clutch. Kimura, Coquina Clutch ou Je sais voilà. plus comment il l'appelle, mais. Voilà, enfin une belle prise de soumission. Mais intelligemment, Ember Moon va réussir à la retourner, cul par-dessus tête un petit peu, la bloquer dans un roll-up, un petit paquet. 1, 2, 3, elle va la bloquer complètement, elle ne pourra pas se dégager, Shayna Baszler, et c'est la victoire d'Ember Moon. Dans un match qui était très axé sur le storytelling, sur le selling d'Ember Moon, et puis tout le charisme de Shayna Baszler. Ouais. Différent de ce qu'on avait vu avant, qu'est-ce que tu en as pensé, effectivement? C'était le meilleur finish, je trouve, de la soirée. Le finish, ma je fais. Oh! Oh, c'est D'accord. beau. Enfin, je crois que c'est la première fois que je suis excité par un roll-up depuis. Je sais pas combien de temps. Mais parce que. C'était tellement bien fait. Alors. Ça Ça jouait a été sur incroyable, même Bormuda. un ouais voilà ça jouait sur un ressort quoi mais c'était tellement en fait c'était le piège quoi c'était le match du piège où Ember Moon essaie de calculer ses coups dès qu'elle fait une erreur c'est bon c'est parti elle doit souffrir pendant 5 minutes ensuite elle s'en sort elle arrive à sortir 2-3 coups repiège Et moi, je croyais qu'elle allait taper, hein, vraiment, au bout d'un moment. En plus, ils ont vraiment bien joué le truc, parce que il y a ces moments où tu as une soumission, tu te dis, il y a environ 5 secondes pour que quelqu'un tape, sinon, au bout de 5 secondes, s'ils sont dans la même position, elle va sortir. Enfin, elle va sortir de la position. Seulement, en fait, elle a changé de soumission toutes les, je sais plus, toutes les 15 secondes, 20 secondes, elle l'a retournée, etc. Donc, du coup, à chaque fois. Merde, merde. À chaque fois, il y a la tension remontée. C'était tellement bien fait. Ember Moon a été ouais, impeccable, enfin comme souvent, comme tout le temps hein, dans le ring. Il y a peut-être une fois où j'ai trouvé qu'elle overselait un peu justement à la Ah Ziggler. oui, c'était le risque, hein, oui. Il y a un petit passage comme ça. Bon voilà, je pinaille de 10 secondes où elle selle, elle sursaute sur genre la moitié du ring en scellant. Un petit peu too much. Mais sinon voilà, c'était fantastique. Shayna Baszler, elle fait peur. Mais alors, elle fait terriblement peur. Enfin, et on sent, voilà, on sent qu'elle est pas. c'est pas un catcheur qui fait le heel, hein, c'est juste son expression faciale de base. C'est une femme qui fait peur. C'est ça. Et voilà. Et c'est comment? Et finalement, ouais, Shayna Baszler, à la fin, on peut clairement se dire que c'est une victoire un petit peu, comme ils disent, une victoire volée, parce que c'est pas volé, parce que c'est dans le règlement, mais quand même, Ember Moon, voilà, elle avait plus de bras, quoi, à la fin. Mais elle a pas tapé. Mais elle a et pas Dieu tapé. Sait qu'on la voyait taper quand même. Hein. Ouais. Ouais, à un moment elle a semi-tapé sur Shayna Baszler. Je sais pas si tu l'as vu. À un moment elle a tapé genre une fois ou deux fois. L'arbitre était dégueulasse aussi. Je crois qu'il l'a fait deux fois dans la soirée. Il tape par terre. Oui. Vas-y, tape! C'est comme ça! Okay. Quel enfoiré! Voilà, ça excellent! Arrive au meilleur, hein. Tanahashi a tapé en milieu de match à la New Japan là, ce week-end, alors que c'était pas le moment où il devait taper. Mais bon, c'est pas. Oui, non, mais. Les non, gens mais ont oublié déjà. Non, mais moi je trouvais que ça rajoutait justement de l'attention parce que l'arbitre le voit pas, donc machin. Et excellent et je dirais même meilleur que meilleur je sais pas c'était plus excitant que le dernier match féminin pour la ceinture celui où Ember Moon a gagné c'était original c'est un truc voilà c'était plus souvent, c'était plus original enfin. À la WWE pourtant c'est un peu une histoire classique du catch, mais ça se fait rarement à la WWE, surtout aussi bien fait avec des séquences aussi longues de soumission. Encore une fois, hein, le selling incroyable d'Ember Moon, à un moment donné, on a l'impression qu'elle est aspirée dans un trou noir. Là. Elle est au sol, il y a l'autre qui la ramène derrière, qui la fait rouler, alors qu'elle essaie d'attraper les cordes. Là, on voit sur son visage toute la misère. L'éclipse à une main, il était magnifique aussi. Et Shayna Baszler, alors beaucoup de gens étaient déjà en train de chouiner. Voilà, on lui donne tout, elle va être la championne, elle s'est pas catchée, etc., etc. Voilà, concrètement, ils l'ont buildée aussi forte pour mettre un peu over Ember Moon au final, hein, qui avait quand même bien besoin d'une grosse victoire, hein, puisqu'elle est, c'est quand même la championne qui a pas réussi à battre Asuka. On risquait quand même d'entrer dans un règne assez fade, et elle a un adversaire à sa mesure qui est très dangereux et qu'elle a déjà réussi à surmonter une fois. Donc là, c'est très très bien pour mettre over Ember Moon. Les gens chantaient Ember. Là, le public était en feu tout le long du show d'ailleurs, mais tout le monde était over d'ailleurs dans le show, hein. même les Authors of Pain ont eu droit à leur chant et aux pieds, alors que d'habitude ils sont détestés. J'ai eu un peu peur moi sur l'entrée de Ember. Je trouve que au moment de son entrée, la pop était moyenne, et en fait c'est quand le match a commencé. Ouais. Et c'est, après, elle souffre aussi de ce booking où elle n'a pas réussi à battre Asuka, etc. Bon, pour moi, c'est une mauvaise idée de la mettre en championne, mais ils ont bien rattrapé le coup avec cette rivalité avec Shayna Baszler là, qui débouche donc, sur un match excellent au final, même si bon, on voit que Shayna Baszler, elle est dans le shoot wrestling. Hein, on n'est pas vraiment sur une catcheuse standard, mais ça fonctionne. Hein, ça fonctionne comme il faut. Elle a qu'à faire comme Lesnar, elle vient une fois tous les 3 mois. C'est ça. Exactement. Juste dans le chat, je lis un peu. Je dis coucou d'abord à donc Guillaume, Kyrias, Diax, qui sont du coup dans le chat. Alors on nous dit y a Guillaume qui nous parlait des Authors of Pain qui disait il faut qu'ils s'individualisent pour une carrière solo. Peut-être un manque de préparation vu que le match a été booké. Voilà, ça c'était sur Velvetine. Le booking un peu tardif. C'est quand Cena était top. Ah voilà, Diax qui nous dit Baszler n'a pas une palette de prise et je ne suis pas trop hypé par elle, on va dire. Comme je dis, c'est pas une catcheuse standard. Elle fait du show de wrestling, hein, donc c'est des clés de bras, des choses comme ça. Elle sait des coups de pied, essentiellement ça. Après, on va voir si elle va s'étoffer de prises un peu plus classiques. Par exemple, une corde à linge, par exemple, ce serait pas mal. Mais voilà, c'est le personnage. Tu dis ça parce que c'est une femme, c'est ça? Ça sert à quoi une femme s'il n'y a pas de cordonnage? Et elle fait penser à Baron Corbin en fait. On dirait la petite sœur de Baron Corbin un peu quand elle se déplace dans le Ouais. ring. En plus menaçant quand même. Heureusement qu'elle sait sortir une phrase en moins de 2 minutes. C'est ça. Contrairement à Baron. Non mais voilà. Et puis Guillaume qui nous disait, je pense aussi que pour la plupart du public masculin, voir une femme souffrir, ça crée plus d'implications émotionnelles que quand c'est un homme. Donc ce genre de finish fonctionne encore mieux. Je sais pas. Non, ça là-dessus, je pense pas qu'il y ait vraiment une grande différence. Il y en a un qui va se faire méga torturer pour lequel on va avoir énormément de compassion un peu plus tard. Et je pense pas que, ouais, non, je pense pas que ça change grand-chose que ça soit une femme ou un homme. Enfin, les gens savent que c'est du catch aussi. Enfin, c'est pas, ils sont pas dans le kayfabe quoi non plus. Bah après le truc c'est que c'est finalement des matchs comme ça c'est quand même super rare à la Ah oui, WWE. non mais On le en type de voit match, oui. plus souvent à la New Japan des mecs se faire torturer comme ça quand t'as Zack Sabre dans le ring par exemple ou Suzuki. C'est plus rare, beaucoup plus rare à la WWE. Et comme ça a été excellemment fait là dans ce match-là, effectivement, ça fonctionne. Après que ce soit un mec ou une femme, je pense pas effectivement que ça change grand-chose. Ouais. Mais bon, il faudrait qu'il y ait plus de matchs comme ça pour qu'on puisse créer une statistique. Il y a eu deux, oui, il y a eu ce match qui était assez original et un autre moment dans le match dont on va parler. Et après, c'est pas le même genre de torture. Ouais. Bon, on va y arriver justement. Donc, Aleister Black affronte Adam Cole, le leader de Undisputed Era, dans un match Extreme Rules. Tous les coups sont permis. Et ben, on va pas se prier d'ailleurs, hein, puisque Adam Cole va très vite aller chercher les chaises, les kendo sticks. Par contre, Aleister Black, lui, va refuser d'utiliser les armes, hein, pendant un bon moment. Jusqu'à ce qu'il se fasse cueillir sur un moonsault, springboard moonsault par un bon coup de kendo stick dans le ventre. À partir de là, c'est parti pour toutes les saloperies possibles, hein, qu'on peut faire avec des tables, des chaises. Il y aura un spot notamment où Aleister Black va tomber sur deux chaises qui étaient posées en contrebas, hein, depuis l'eau de la troisième corde. De table. Ouais, sur des tables, pardon, j'ai dit quoi? Chaises. Sur des chaises, non, sur des tables. C'est... Ouais, il se passera. Voilà. Alors, un autre spot, voilà, parlons des chaises. Deux chaises qui sont placées, mais alors, c'est le dos des chaises qui sont une contre l'autre, hein, pas le plat, pas l'assise. Et on explose le dos d'Adam Cole sur l'arête des chaises là, comme ça. On a, alors, je sais pas du tout comment ils font pour pas se blesser sur un truc comme ça. On a aussi Aleister Black qui fait une double descente des genoux sur Adam Cole sur la table des commentateurs. Ils ont détruit la table des commentateurs. Il n'y a pas de rebond, c'est ça qui est horrible. Il n'y a pas de rebond sur les genoux. Tu peux pas, non. Tu peux pas faire comme ça, quoi. Juste, c'est un vrai, ça c'est le vrai coup de grâce, tu vois. C'est pas le, exactement. C'est pas tu rebondis sur le côté, c'est tu l'enfonces. C'est ça. Non, normalement la personne est morte, hein, à ce moment-là. voilà, Aleister Black. Bah, je crois que ça se termine avec le blackface Black, dans la face de Black Mass. Black Mass, on va faire d'Adam Cole. Blackface. Fatigué, moi. Non, mais... ouais, non, c'est mais... raciste en plus. Bah oui, bah oui, un oui, petit peu. Mais... Allez. Voilà. Et donc, victoire d'Aleister Black, qui arrive à bout d'Adam Cole. Après, alors, j'ai très mal raconté, hein, mais c'était un match... Non, mais on peut pas... Enfin, ça peut voilà, pas se raconter, voilà, ce match. Regardez-le, si vous l'avez pas vu. C'est ça. Ça fait longtemps qu'on n'avait peut-être pas eu un match aussi violent à la WWE. Même s'ils n'ont pas joué les blade jobs, il y a eu une ouverture de... Enfin, la main d'Adam Cole était ouverte, ça saignait un petit peu, mais c'était pas prévu dans le script, je pense. Mais en tout cas, ben, qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça? C'était bien ou c'était tiède? Est-ce que c'était tiède? Le connard qui regarde ce match, bah, qui est passionné de catch, hein, parce que bon, quelqu'un qui a jamais un passionné de catch qui regarde ce match, qui me dit que c'était tiède, je lui parle plus du tout. C'est fini. Non mais c'est pas possible. Figure-toi que, c'est 5 étoiles. Ce match, tu le mets dans un pay-per-view de merde. Je mets 5 au pay-per-view. non mais vraiment, mais c'était incroyable. C'était génial de bout en bout. Ça s'arrêtait jamais. C'était ah si, terrible. Adam Cole et Kyle O'Reilly et Bobby Fish sont passés aussi, mais ils se sont fait alpaguer par Sanity. Voilà. Il y a eu l'intervention et puis, de Sanity. Puis le match est reparti de plus belle. Voilà, ils sont vite venus pour les interventions. D'ailleurs, j'ai trouvé que les interventions ce soir, pour les quelques interventions qu'il y a eu, ont été super bien gérées, parce que c'est pas les interventions qui décident du match en fait, c'est juste elles enlèvent l'élément perturbateur et le match à chaque fois reprend. C'est pas racontable, ils vont à 200 à l'heure, ils s'en foutent plein la gueule, et à chaque fois il y en a un qui a une idée, et Aleister Black qui à chaque fois refuse d'utiliser une arme, il prend une arme, après il refuse, après en fait il fait tout. En fait c'est la matrice, tu vois, c'est Neo dans la matrice, Aleister Black. Il est poussé à bout pour aller utiliser les armes. Il voit Adam Cole. Et il a un kendo stick. Adam Cole à la destruction. Il ramasse un kendo stick quasiment au même moment. Aleister Black, il monte sur le ring. Il regarde Adam Cole. Après, Aleister, il fait « J'en ai même pas besoin ». Et il pose. Et Adam Cole qui dit « T'es vraiment qu'un gros con ». Et donc, il lui balance le truc. Là, il l'évite. Et là, il y a eu la même séquence avec la chaise, quand il arrive avec la chaise. Aleister Black est fantastique. Adam Cole, pour le coup, il m'a prouvé ce soir, parce que je parlais du fait que moi j'avais pas vu Adam Cole avant, et je trouve qu'il avait pas encore prouvé que c'était vraiment un grand catcheur à NXT. Là, c'était génial. Ce qu'il a pris dans la gueule pendant tout le match, c'est lui qui a pris le plus, quoi. Et c'était cruel, le public qui chante You Deserve It après le spot des chaises. Mais non! Parce que les gens adorent le détester, Adam Cole. C'est ça qui est. Oui, mais là, c'est son. Là, c'est sa santé. Voilà, ça allait à 100 à l'heure, c'était génial, c'était violent. Il y avait même un petit peu de sang pour faire rêver. donc voilà, match parfait. Voilà, hein, on peut lui décerner les 5 étoiles. Voilà, Adam Cole, effectivement, hein, on comprend maintenant d'où vient sa renommée, si vous n'aviez pas eu l'occasion de le voir à la Ring of Honor. Voilà, vous savez pourquoi il était tant attendu, pourquoi il est tout de suite sous le spotlight, pourquoi il a déjà son clan, pourquoi on parlait autant de lui jusqu'ici. Tout comme Aleister Black, c'est un Européen, il est. Ils disent Dutch. C'est hollandais, ça, non? Je crois qu'il est hollandais, ouais, c'est ça. Et ben on voit que c'est sa chance à la WWE et qu'il compte pas la laisser passer. Hein. Il s'applique comme peu de gens jusqu'ici. Il tient son personnage. Il sait quoi faire dans le ring. Il sait comment jouer avec le public. C'est une pure réussite et je pense qu'il ira très très loin à la WWE parce qu'il a vraiment l'air de s'appliquer et d'être à fond. Ça fait plaisir de voir un Européen comme ça partir dans une telle ascension. Je pensais pas qu'il le préserverait. Du coup, ils lui ont gardé son undefeated streak avec ce match, quoi. Apparemment, il parie dessus et ils ont bien raison. C'est un mec qui transpire le catch. Hein. Il est passé beaucoup en France, donc on a beaucoup de gens qui rapportent un peu ce qu'ils l'ont fréquenté, sa mentalité, etc. Il n'y a que des bons retours. On dit que c'est un mec qui est vraiment impliqué dans le catch, qui n'hésite pas à aider ses partenaires, etc. On le voit ici à NXT prendre en puissance et ça donne un match qui sera peut-être le match de l'année, hein, cet affrontement-là. Ça va être difficile de passer au-dessus. Voilà, jetez-vous sur ce match. Difficile de passer au-dessus, ben on va voir avec ce qui suit, parce que c'est le main event, le championnat de NXT. Andrade Cien Almas, le champion, accompagné de Zelina Vega, sa manager, affronte Johnny Gargano. Donc Johnny Gargano qui a gagné deux hautes luttes, hein, son droit au titre, hein, au sortir d'un Fatal 4-Way, et ensuite il avait remis en jeu son shot face à Velvet in Dream. Il a gagné aussi le match. Excellent match aussi. Regardez. Excellent match aussi, hein. Toute la série de matchs d'ailleurs qui a mené à ce combat-là était plutôt excellent. Hein. Ouais, il y a tellement de bons catcheurs en ce moment à NXT. Ah, ah, ils ont un putain de roster de fou. Et donc, bah, le match très long. Mais plus c'est long, plus c'est bon, j'ai envie de dire. Sien Almas au sommet de son art. Qui subit et qui fait subir tout ce qu'il peut à Johnny Gargano. Ça demeure un petit peu lentement pour que les gens aient le temps de souffler après le match qu'ils viennent de subir. Mais alors après, ça va à 200 à l'heure. Tout ce qu'on peut s'envoyer de dropkick, de bras à la volée, de coups de genou, tout ce que vous voulez, jusqu'à ce que Zelina Vega finisse par intervenir. Mais... C'en est trop pour la compagne de Gargano, Candice LeRae, qui est dans le public. Hein, parce que toute la famille de Gargano le est là. LeRae, pas LeRae. Ouais, LeRae, d'accord. voilà, toute la famille de Gargano est là. Mais bon, donc Candice LeRae intervient. Elle réussit à chasser Zelina Vega. Le match continue. Et ben on se fout sur la gueule jusqu'à ce que ça se termine par un double knee dans le coin du ring sur le tablier du ring de Sien Almas sur Gargano et ensuite son fameux DDT avec le bras enroulé là sur Gargano qui aura tout donné. Le match, je sais pas combien de temps le match a tourné, ça a duré moins de quarantaine de minutes, ouais. Mais c'est bien Sien Almas qui ressort vainqueur. Clean quelque part, même si bon, il aurait peut-être perdu le match si Zelina Vega n'avait pas intervenu. Mais encore une fois, une énorme performance. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ouais, il y a environ 360 spots à résumer dans ce match. Et les deux. Alors ouais, le début du match, donc du coup, tout en duel où ils sont au sol à essayer de se prendre, enfin le catch le plus proche du vrai de la lutte. Voilà, chaîne wrestling, mais à 200 voilà. À l'heure. et donc ça pendant. Et pourtant, généralement, j'aime pas trop ce genre de début de match, mais c'était tellement rapide et tellement bien fait que voilà, ça se sentait pas non plus le show-off, c'était pas non plus de la. Voilà, de la démonstration. Et après, c'est Gargano qui s'est pris, vers la fin, t'en avais un. Je pense que les deux étaient aussi fatigués, mais c'est bon. L'histoire, c'était que Gargano s'en prenait plein la gueule. Il y a eu des spots à l'intérieur, à l'extérieur. Un moment où il fait... oui, il est au bord du ring, il fonce sur Gargano, il fait un... Je sais plus, il fait un flip pour retomber dessus. Gargano part sur le côté, flip sur le sol. C'est mal. Aïe. Aïe. Et Gargano qui jouait tellement bien, le mec, il perdait des neurones à toutes les minutes. Hein, il était genre... le regard dans le vide, Mauro Ranallo qui était fantastique aussi aux commentaires, hein, qui était en train de nous dire peut-être que ça vaut pas le coup de finir sa carrière sur ce match, peut-être que voilà, il faut s'arrêter au bout d'un moment, hein, et ouais, donc du coup la dramaturgie du match était génial. L'intervention de Candice LeRae, j'étais super content. J'ai vu sortir la défoncer Zelina contre la barrière. Après, elle m'a lancé, je vais te chercher dans les coulisses et tout. Oh, c'était très bien fait. C'était fantastique. Le seul, je sais pas si c'est un bémol parce que moi ça me va totalement. Mais le finish du match n'était pas aussi impressionnant que tout le match en fait. Le finish du match était un petit peu genre bon c'est bon on en peut plus. Ouais. Ça, le double coup de genou quand même dans le coin du ring juste avant, c'est oui ça oui c'est sûr, que ça qui sonne ça finalement mais je crois que je sais plus c'était la deuxième fois qu'il lui faisait le finisher ou il a dû se le prendre 3-4 fois 3. Les genoux dans la tête quand même. Mais donc voilà, il a dû faire les quatre coins. Et l'histoire aussi qu'on nous a raconté au début, c'était que Ranallo disait il le sait Gargano que dans sa tête qu'il en est à 0-2 contre Sien Almas, c'est sa bête noire et tout. Donc voilà, très bien raconté, le match était fantastique dans un type groupe totalement différent de celui juste avant, enfin dans un genre totalement différent de celui d'avant, mais vraiment ouais génial. Du coup, ils ont bien un petit peu essayé de tromper les gens en mettant pas l'intervention de Ciampa dans le match, mais en la mettant après. Du coup, l'intervention de Ciampa était vraiment téléphonée, quoi. C'était vraiment genre bon. C'est bon, ils mettent 3 ans à monter sur le. C'est l'épilogue effectivement du show. Alors que Gargano revient sous le titan tronc, il se prend un bon coup de béquille dans le dos. C'est le retour de Ciampa qui lui explique que voilà, là, t'as perdu ce soir, attends-toi à perdre encore et encore souffrir dans les semaines qui viennent parce que je suis de retour. Ouais. Bon, il a encore sa. Enfin bon, c'est kayfabe, mais il a encore comment c'est pas vraiment une attelle, si je sais plus, c'est un truc en métal là qui lui tient la jambe. Donc je sais pas s'ils vont s'affronter direct, mais donc oui, ça annonce du bon. Je suis presque, après bon, ça serait compliqué, je suis presque déçu du coup qu'on ait pas un rematch quoi après, parce que ça m'irait bien aussi. Ouais. À la limite qu'il fasse pas l'intervention de Gargano de Ciampa maintenant, qu'il la fasse au rematch. Mais bon, on est à NXT, à mon avis les choses doivent tourner ouais, ça doit tourner rapidement, un petit peu plus vite. Je pense que Aleister Black va avoir droit à ça. Son petit shot pour le titre, pour le week-end de Mania, puisque ce sera Mania pour le week-end de Mania, le prochain takeover. Ouais. De la qualité, pas de la quantité. Faut savoir attendre. Alors, on était souvent un petit peu déçus des main events de NXT, hein, quand on avait, on a eu pêle-mêle. Bobby Roode, Nakamura, je sais pas. Nakamura, Bobby Roode, Samoa Joe. Tout ça, c'est des vétérans. Après, si c'est des mecs qui ont une longue carrière derrière eux, donc ils sont capables de sortir des matchs très solides, des très bons matchs. Maintenant, c'est pas des gens qui vont innover et qui vont faire avancer un petit peu le catch. Et là, maintenant, ce soir, on a eu même McIntyre, quoi. C'est déjà un mec qui a une grosse carrière derrière lui. Là, ce soir, on a deux jeunes loups. Même si Almas a déjà quand même une carrière assez importante au Mexique, elle n'est pas aussi longue que Nakamura, que Samoa Joe, même que McIntyre, je pense, ou que Bobby Roode. Pareil pour Gargano, hein, c'est un pilier des indépendants, et il avait beaucoup bossé à la Evolve, même dans tout le circuit indépendant, et puis à la Pro Wrestling Guerrilla. C'est vraiment deux mecs qui vont faire innover le monde du catch, qui vont faire avancer le monde du catch. Là, on leur donne le main event et voilà ce que ça peut fournir. Pour moi, on est vraiment dans ce que doit offrir NXT. Et vraiment dans ce, si on veut que le catch avance et qu'on ait des trucs de plus en plus spectaculaires, monter en qualité, monter le level, en prenant en compte ce qui se fait chez les indépendants, les évolutions qu'on a, mixer un peu aussi ce qui se passe au Japon, au Mexique, c'est des choses comme ça qu'il faut proposer et peut-être pas juste des mecs, des anciens. Des vétérans des autres circuits. Là, on a vraiment deux mecs qui sont dans la fleur de l'âge, et qui sont au top, et tout de suite, ça se ressent dans le main event. Hein. Ça fait plaisir de. Bon, après, je sais pas si c'est si courant que ça, mais le fait, l'opinion qui veut que. Il y a des personnes qui regrettent dans les indés parce que ça leur appartient qu'un tel parte à NXT. À chaque fois, c'est « Ah, tu vas à la WWE, ah, machin, etc. » Et c'est bien quand même, même si, bon, on ne retrouve pas forcément la même qualité une fois qu'ils vont dans le roster principal, mais c'est toujours génial de voir que à TakeOver, ça assure à chaque fois. C'est ça. À chaque fois, c'est juste incroyable. Et ils ont la surcouche WWE où les entrées sont magnifiques. Les entrées de TakeOver sont tout le temps plus belles que les entrées des pay-per-view du roster principal. Les autres, ils n'ont pas de budget. TakeOver, à chaque fois, les entrées sont magnifiques. C'est laquelle qui m'a marqué je ne sais plus, où il y avait un mur d'écran. Je sais plus. Ce soir. Ouais, non, je sais plus si c'était l'entrée de Velvetine. Mais en tout cas, on voit que. Je sais pas s'ils ont pas le temps d'être créatifs dans le roster principal, mais on voit que y a au moins 3 ou 4 entrées à chaque takeover où on voit qu'il y a un mec qui a réfléchi à ce soir il y aura cette entrée là. C'est pas à l'entrée d'habitude, c'est pas on met le générique de d'habitude. À chaque fois c'est réfléchi, les costumes sont réfléchis. Bon, ça aussi ça arrive dans le roster principal, mais à chaque fois tout est tellement écrit, je trouve que ça fait plaisir quoi. On a l'impression de voir du. Enfin, bon, je vais exagérer, mais on a l'impression de voir un peu du. La version deluxe du catch WWE, quoi, la version sans la bride et avec la couche de polish. Il y a les avantages à WWE, quelque part sans les inconvénients, parce qu'on n'a pas tout le fait que ça dure 4 heures, que tu en as un par mois, que tu dois faire des heures et des heures de weekly chaque semaine. Ils ont le temps de peaufiner le truc et on voit qu'ils bâclent pas ça et que quand ils peaufinent, ils sont vraiment capables du meilleur. Après ce show-là, ce que je peux dire, c'est qu'NXT, c'est la meilleure fédération de catch du monde, tout confondu. C'est mieux que moi, je trouve ça plus éclatant encore que ce que proposait la New Japan, et que n'importe quelle fédération indie, que ce soit la Ring of Honor ou la Pro Wrestling Guerrilla ou ce qu'on veut, avec un niveau de catch comme ils ont fait ce soir-là et la qualité de la réalisation derrière. Vraiment, tout le monde est over avec le peuple que ça ramène et l'ambiance qu'il y avait dans le stade qui était 10 fois plus importante que n'importe laquelle des pay-per-view de l'année de la WWE. Moi, je me suis éclaté de bout en bout. Pour moi, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en catch à l'heure actuelle, NXT. Ouais. On aura beau tourner ça dans tous les sens. Alors, c'est sûr que... Il y a un argument comme quoi ils piquent un peu les gens de l'indie, mais je pense que les gens qui sont à NXT sont très contents d'être à NXT. Et que de toute façon, le circuit indépendant, il se renouvelle tout le temps. Ça n'a jamais été aussi profitable que ça l'est actuellement. C'est un système qui fonctionne parfaitement bien. Pour le roster, le fait que ça perde en qualité dans le roster, c'est les inconvénients du roster. Il faut que ce soit familial. Il y a des heures et des heures à faire chaque année. C'est un peu le prix à payer. On est obligé d'avoir un roster qui est comme il est à l'heure actuelle pour avoir la qualité au moins tous les 3 mois. On a notre takeover qui est juste parfait, quoi. Et puis, si possible, en 2019, achetez Marty Scurll, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce que lui, il a déjà tout. Il a déjà tout le package, il a le costume, il a tout. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, vite fait, dans le chat, on a Richard qui nous dit oui, bon, l'attaque de Ciampa était prévisible. Guillaume qui valide totalement pour les entrées. Ah oui, l'entrée de Diax qui nous dit l'entrée de Almas avec son masque des Ingobernables, il me semble. D'ailleurs, il y avait un panneau. Il y avait un. Ouais. Ah oui. Il y avait un panneau dans le public, Los Ingobernables. C'est pas n'importe qui, hein, notre Almas. Hein. C'est lui qui a créé Los Ingobernables. Voilà, on voit que c'est un mec qui. Et pourtant, alors, ils l'ont déconstruit complètement. Ils lui ont enlevé complètement son truc de Los Ingobernables, ce qui fait actuellement, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait. Mais le voilà de nouveau au top. Donc, ça aussi, on sait maintenant pourquoi aussi c'était un mec qui avait été annoncé en grande pompe, hein, sachant qu'ils l'ont fait démarrer en salopette. Chapeau à plumes. Ah oui, putain, en pompier, quoi. Imagine ce qu'il a réussi à vaincre. Ah, mais il était en pompier avec un chapeau de jazzman. Ouais. Horrible. Horrible. Voilà. Bah après, à Chip and Dale. Il était quasiment Chip and Dale, en fait. Ouais. Alors, Chip and Dale, moitié prix, quoi. Discount. Non, c'est incroyable ce qu'il a réussi à surmonter. Ouais. Et on voit que derrière, ils avaient dans l'idée quand même, depuis le départ, d'en faire leur star. Et là maintenant. Cohérence derrière qui est sympa. Non, mais je disais, et là maintenant, moi, il m'a convaincu. Tu vois, il y a quoi? Il y a quelques mois, je disais, ouais, si Yann Almas, je sais pas trop, parce que dans le ring. Soit il lui lâchait pas la bride, ou alors soit il était pas contre les bonnes personnes, je sais pas. Mais donc, et là, ouais, en deux pay-per-view, il m'a largement convaincu. Là, il a juste à, voilà, à avoir son règne et à transitionner avec Zelina Vega dans le roster principal. C'est impossible que ça fonctionne en étant seul. Il faut qu'il soit avec elle. Oui. Mais parce qu'il parle pas, il parle pas. Oui, voilà. Toujours. Donc, voilà, c'est la Paul Heyman. D'ailleurs, Paul Heyman qui nous a fait la présentation d'entrée. C'est un peu bizarre, genre il dit « We are NXT ». Non, on ne voit jamais à NXT. Arrête. Pas grave, l'esprit est là. Bon, c'est l'esprit ECW. Ouais. Oui, bah oui, on remarque, oui, c'était un peu ça aussi. Mais voilà. Voilà. Et en tout cas, je pense que des mecs comme Mojo Rawley ou le Maharaja ou même Baron Corbin, ils ont du souci à se faire, hein, avec ce qui arrive derrière. Les rookies moyens pourris comme ça, il faudrait quand même qu'ils laissent leur place à un moment donné dans le roster principal aux mecs qui savent faire le show. Hein. Voilà, enfin bref. Bah on va passer au mot de la fin, hein, vu qu'on a fait le tour. Et oui. Un top, alors très dur à trouver, un flop et une note. Nous t'écoutons, Hank. La parole est à toi. Là, ta parole. Le top, c'est compliqué. Non mais le top c'est Aleister Black contre Adam Cole. Ça c'était incroyable. Je me suis encore regardé j'allais dire les gifs, c'est pas des gifs, c'est des extraits vidéo là sur le Twitter de WWE parce que je voulais l'envoyer à une collègue et donc du coup je me suis encore regardé ça, je fais ah c'est incroyable. Faudrait que je remette le match. Donc voilà, on en a déjà parlé en long en large. C'était fantastique et c'était même pas voilà c'était même pas le match enfin je sais pas comment dire c'était pas genre le phare dans l'obscurité quoi. Tout le reste de la soirée était incroyable aussi et le flop je dirais l'intervention de Ciampa en fait. C'est juste j'ai trouvé que à la limite si vous voulez faire intervenir Ciampa, faites-le à un moment qui nous surprenne un minimum ou qui parce que là c'était un peu genre bon on sait que vous savez que ça doit se dérouler dans le match, du coup ça se déroulera pas dans le match mais il va perdre quand même. Enfin Gargano va perdre quand même. Ils ont pas voulu frustrer donc, du le coup d'une victoire clean claire et nette. Oui oui vois. Non mais ils ont bien fait. ils sont que super ce soit bien dans fait. Celui-là ou dans le précédent précédent match mais donc voilà à part ça que je trouvais je ça aurait mérité presque en fait justement plutôt une intervention dans un weekly avec juste après Ciampa qui prend le micro parce que là du coup il a rien dit, il a juste fait son attaque à la béquille. Voilà, ça sonnait un petit peu... Pourquoi vous n'êtes pas pressé de le booker ce truc? Vous pouvez le faire la semaine prochaine. Et puis, sinon, ma note, c'est 5. 5 C'est la totale. On rappelle qu'on note sur 5. Hein. c'est 5. Il n'y a rien, il n'y a que du chipotage quoi, à faire. Mais c'est même le, comme je disais, le Velveteen, celui que j'ai le plus entre guillemets critiqué, Velveteen Cassius Ohno, j'ai passé un super moment à le regarder quand même. Donc c'est juste, c'est au-dessus voilà, de c'est au-dessus par de ce qu'on voit. Hein. Ouais, voilà. Magnifique. Je croise les doigts pour que parce que je vais être. Je rappelle qu'on est Giscal, IRM et moi. On part à WrestleMania. On va voir Takeover à Nouvelle-Orléans. Ensemble et on fera là sûrement la review juste après ou un truc comme ça mais je croise les doigts que ça soit aussi bien. Vraiment il y a eu aucun mauvais mauvais takeover je crois qu'il y a eu un takeover un peu moins bien l'année dernière c'était non peut-être en 2016 mais voilà ça arrive une fois c'était pas un takeover. Une fois tous les c'était pas un takeover. Non, ça devait pas être un découvert. Si, non, mais moi personnellement, je crois qu'il y en a un que j'avais trouvé un poil moins bien. Ça dépend un petit peu de. Les matchs sont toujours bien, mais c'est surtout les enjeux en fait qui fait que je crois que c'était un takeover où il y avait énormément d'enjeux. Il y a peu de chances que tu aies un mauvais takeover à Mania, je pense. Ouais. Vu ce qu'il y a dans le roster actuellement, à mon avis, tu vas t'éclater comme un petit. Goré. Je vais donner quand même mon top, mon flop. Mon top, je vais le donner à Cien Almas. Pour le donner à tout le monde en fait. Il était magnifique comme tout le monde. Le flop, Peut-être l'intervention de fin de match de Shayna Baszler, je crois que c'était un petit peu too much. Ah oui, on n'en a pas parlé. On l'a survolé. Voilà, étranglé. Rapidement, Ember Moon a été en mettre une couche. C'était peut-être pas nécessaire. Mais bon, c'est pas ça qui va poser problème. C'est pas ça qui va me faire enlever des points. Je vais mettre aussi 5 étoiles. Pour moi, voilà, quand on regarde du catch, on peut que être enchanté du début à la fin par ce show qui était juste incroyable. Voilà, je suis requinqué. C'était un énorme week-end de catch. Et ça, c'était le bijou du week-end, ce NXT TakeOver. Voilà, vive l'avenir. voilà, vive le futur et vive le catch. Voilà. Et merci bien. voilà, bah on vous remercie hein, d'avoir été présent sur le chat, de nous avoir écouté. On espère que ça vous a plu et puis que vous allez vous jeter sur ce takeover si vous l'avez pas encore regardé. Allez, matez-moi ça. Attends, Guillaume qui dit sur le chat, même quand Bo Dallas était en main event, c'était bien takeover. Oui, Bo Dallas était excellent à cette époque. Excellent avec. Voilà. Alors retourne le voir ce takeover. Ne te moque pas. Enfin les takeover. Je crois qu'il l'a fait deux fois, mais. J'ai été cover à l'époque, mais oui. en tout cas, il je crois qu'un des premiers, il était dans un des premiers contre Neville. Ouais. Et c'est Neville qui a gagné. D'ailleurs, c'était un match à échelle, un truc comme ça. Mais il était excellent ce match. Qui était excellent. Bo Dallas. Ils n'ont pas du tout compris d'ailleurs comment l'utiliser quand il arrivait dans le roster. Gâchis complet. Voilà. Non. Toujours été bon, t'es cover. Voilà, bah encore une fois, je vous remercie d'avoir été présent. Hank, merci beaucoup pour la réalisation, l'analyse, tout ça. Ouais, j'ai eu bien qu'à fouiller parce que j'ai utilisé le modèle de mon pré-show, donc il y avait des trucs, enfin bref, mais c'est pas grave. C'est dégueulasse, alors on vous ferait avec. voilà, alors il y a l'analyse du Royal Rumble qui va tomber incessamment sous peu. Ouais. L'analyse des weekly, hein, Catch Up Raw. Catch up le supplément SmackDown tout au long de la semaine. Abonnez-vous. C'est fort probable. YouTube. Alors je vous préviens, c'est fort probable que l'analyse du Rumble soit à peu près à la même heure demain. Donc voilà, ouais. pour les gens qui sont intéressés, suivez le Twitter. Hein. Mais c'est ça. Puis abonnez-vous. Hein. Cliquez sur la petite. Envoyez des sous. Hein. N'oubliez pas, nous on a besoin de vos dons, donc n'hésitez pas à nous les envoyer. Je vous rappelle que pour le faire, c'est assez simple. Voilà, on est aussi sur Facebook, bon ça vous le savez, on est aussi sur Twitter, PodCloud et iTunes. Voilà, merci bien, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde.